On a plus le temps à perdre. Le savoir est une arme. Bande de vampires, vous avez la force des mal, mal, mal, mal. Fermez vos bouches. Je lâcherai pas l'affaire, quoi qu'il advienne, je m'occuperai de mes affaires. De leur connerie, j'en ai plus rien à faire. J'ai besoin de changer d'atmosphère en gardant les pieds sur terre. Je lâcherai pas l'affaire, quoi qu'il advienne, je m'occuperai de mes affaires. De leur connerie, j'en ai plus rien à faire. Leur connerie, ne. Babylone qui mettait toujours des pressions en l'air. Nous pas de pitié qu'a fait de manière pour nous faire vivre quand des fous. Mais c'est comme ça, mon cabaye en force pour faire comprendre. C'est Jaja cabaye nous l'amour. Enlève tout ça pour y'a fait comprendre. Qui ça m'a dit? Pas vini flipper Yousin. Mon cap parler pour des frères qui pas qu'attendre. Ça qu'a ouveillé bec pour adoter n'importe quoi. Faut pas faire rien mais y'a qu'à critiquer ou. Mais qui ça présent y'a qu'à faire pas ou. Le roi d'un galet qui mou nous cap ouais. Y'a qu'à rigoler dit ça. Je lâcherai pas l'affaire, quoi qu'il advienne, je m'occuperai de mes affaires. De leur connerie j'en ai plus rien à faire. J'ai besoin de changer l'atmosphère en gardant les pieds sur terre. Je lâcherai pas l'affaire, quoi qu'il advienne, je m'occuperai de mes affaires. De leur connerie, j'en ai plus rien à faire. Besoin de changer d'atmosphère en gardant les pieds sur terre. Non, ils sont toujours derrière nous en train de blablater nos man. Non, j'en ai vraiment marre de tous ces bambouclas. Yo, well. L-A-S-I-O-N-I-M, Mister Guyana. Sur les microphones, c'est comme ça qu'on est des well soldats. On ne baissera jamais les armes avec la force de Jah. Laisse-nous passer, laisse-nous faire nos affaires. Ne tourne pas, non, car tu ne sais pas. Non, sur qui tu tomberas. Non, man. La vie ne fait pas le moine, ne passe plus aux apparences. On n'a plus le temps à faire. Le savoir est une arme, tu m'entraîneras pas dans ta chute. Fini de se laisser faire, yeah. Hey, laisse-nous faire nos affaires. Je lâcherai pas l'affaire, quoi qu'il advienne, je m'occuperai de mes affaires. De leur connerie, j'en ai plus rien à faire. J'ai besoin de changer d'atmosphère en gardant les pieds sur terre. Je lâcherai pas l'affaire, quoi qu'il advienne, je m'occuperai de mes affaires. De leur connerie, j'en ai plus rien à faire. Leur connerie, on dit stop à toute leur manipulation, leur machination qu'ils veulent nous faire porter, you see. On dit stop à toutes ces étiquettes placées sur une jeunesse qui ne demande qu'à monter. C'est pour ça qu'on dit stop pour toutes ces vampires où ça brasse la pâte à tienne, ça blotte glace. On dit stop, on dit stop, on dit stop. Tout que vous ne lâchera pas l'affaire. On est déterminé. On chantait pour nos frères qui pensent en fraternité. Que tout ne lâchera pas l'affaire. On est déterminé. On chantait pour nos frères. Laisse-nous faire nos affaires. On lâchera pas l'affaire. Quoi qu'il advienne, on s'occupera de nos affaires. De leur connerie, on n'a plus rien à faire. On a besoin de changer d'atmosphère en gardant les pieds sur terre. On lâchera pas l'affaire. Quoi qu'il advienne, on s'occupera de nos affaires. De leur connerie, on n'a plus rien à faire. On a besoin de changer d'atmosphère en gardant les pieds sur terre. On lâchera pas l'affaire. Quoi qu'il advienne, on s'occupera de nos affaires. De leur connerie, on n'a plus rien à faire. Leur connerie, vous avez la pensée mal.